transactionnels sont indexés sur les coûts d'achat annuels. Les actifs immobilisés dépendent des valeurs d'origine empruntées. Réserve égale et compte global, impute les filiales, créons des provisions comptables, défiscalisables, en générant des investissements durables. Tous ensemble à la COGIP, compétences déléguées au service du leadership. Moi je travaille à la COGIP, respecter les délais c'est une question de principe. J't'ai dans la peau la COGIP, synergie intégrée c'est ça notre esprit d'équipe. Tous ensemble à la COGIP, compétences déléguées au service du leadership. Moi je travaille à la COGIP, respecter les délais c'est une question de principe. J't'ai dans la peau la COGIP, synergie intégrée c'est ça notre esprit d'équipe.